Ok, bébé, lec, lec, j'arrive en kawa. Zati, petit, j'ai pas la patience pour les carbas. T'as la ZZ rasé, ça suffit pas pour le tunilingus. Baroute pas en initial, retaper, on connaît l'art. Jeune la casse, fallait pas t'échapper de la fourrière. T'aimerais bien nous doubler, mais tu vois toujours mon feu arrière. Tu sers, c'est chelou, je vois des gars RHF, des Inoka. Des gars qui se prennent la pression, qu'on le gabarit d'un judoka. Kartier, EPI, Ichou, Opla, As, des persos. Big ba, alta, t'as pas le mental, on te casse les veux. Importe le physique que t'as, sois vigilant. Sous alcool, fais le bon choix, même si la vodka est gênante. J'ai des erreurs de parcours en sens unique volontairement. Car les meilleurs partent en premier, je veux rester là pour le moment. Pareil que dans ma tête, tu es trop jeune, sale fils de pute. T'as oublié que tu l'as été, je vais pas tisser pour que tu recrutes. Regarde-moi dans les yeux, petit, ma sincérité scintille. Regarde bien ici, la confiance vaut pas 10 centimes. Elle est belle et ce pays gros, oh t'as pas le mental. 9, 1, 7, 7, on est cash comme un mandat. Regarde-moi dans les yeux, petit, ma sincérité scintille. Regarde bien ici, la confiance vaut pas 10 centimes. Elle est belle et ce pays gros, oh t'as pas le mental. 9, 1, 7, 7, on est cash comme un mandat. J'en ai plus rien à foutre. J'passe ma vie à frauder, j'monte au front, viens pas te frauder à mes effrontés. J'ai cœur gelé, mentalité chelou, là j'aurai gelé. J'ferai ce qu'il y a à faire pour mettre la mi-face de l'air. Les petits ont déserté le stade pour viser les schlags. Se sapant, j'ai star et pète les meufs en doggy style. Ça marche le tarpé chargé dans le futal, c'est irréfutable. On coupe la main des balances et des flûteurs. J'te vends de la qualité en taïdé. Tu veux niquer la police, mets ça dans la boîte à idées. J'suis en bonne position, pas d'amour pour cette nation. Fuit tout, mes saucissons, allergique aux saucissons. J'ai le cœur froid comme en Alaska. J'suis foncé au sky, j'suis un lascar qui cherche la yaska. J'suis fichu, fâché, fauché. 80, on s'fout la merde. Préparez les rouleaux de PQ parce que ça va chier. Regarde-moi dans les yeux, petit, ma sincérité scintille. Regarde bien ici, la confiance vaut pas 10 centimes. Elle est belle et ce pays gros, oh t'as pas le mental. 9, 1, 7, 7, on est cash comme un mandat. Regarde-moi dans les yeux, petit, ma sincérité scintille. Regarde bien ici, la confiance vaut pas 10 centimes. Elle est belle et ce pays gros, oh t'as pas le mental. 9, 1, 7, 7, on est cash comme un mandat. On dit que c'est doux, non, si, si, si, c'est donnant, donnant. J'étais accélérant, est-ce besoin d'une ordonnance? Les jaloux sont malades, mais n'ont pas de mouchoir en coton. Donc viennent sur mes terres pour récolter comme le coton. De la place des Verts au quartier Pichot, c'est chaud. Si t'as le seum, viens donc au quartier Pichot. Recto verso, toujours le même, change pas de façade. Arrêtez de me sucer, vous allez vous prendre une éjac faciale. J'ai les petits CD à conseiller, aux petites chez toi. Viens vite m'essayer pour accompagner ta vie de chéta. J'suis marginal, ok, j'accepte ta fellation matinale. C'est génial, j'finis par une pénétration vaginale. C'est les rats sans scrupules, haineux comme Vegeta. Le jumeau, ça finit le temps. On baisse tout le monde comme dans GTA. On a ce qu'il faut sur le pantalon, dédicace pour mes pantalons. Pas pour ceux qui portent le talon. Regarde-moi dans les yeux, petit, ma sincérité scintille. Regarde bien ici, la confiance vaut pas 10 centimes. Elle est belle et ce pays gros, oh t'as pas le mental. 9, 1, 7, 7, on est cash comme un mandat. Regarde-moi dans les yeux, petit, ma sincérité scintille. Regarde bien ici, la confiance vaut pas 10 centimes. Elle est belle et ce pays gros, oh t'as pas le mental. 9, 1, 7, 7, on est cash comme un mandat.